Gros niveau de limité t'as le seul. Touché ta boue comme Virginie t'es ta sœur. Je me plains jamais, je me dis que je suis pas le seul. Fuck le rap mélancolique ma gueule. Pochet d'album de leur mère dans un cercueil. Ils sont prêts à tout pour le public et son accueil. J'ai de la chasse, je fais jamais la queue. Je fais la une, je fais jamais la deux. J'ai la même équipe depuis l'époque des baguilles. Cœur de Cortez, en sans Sergio Tacchini. Fort de drive-by en voiture en moto. Par de calage de rap à la gogo. Bande d'acteurs dans vos clips, la farine remplace la coco. J'écris mes textes au vol en voie de vitesse auto. Taqué en vrai pour femme violente sur photo. Les burettes font des UV, les renoms mettent du choco. Épiné sur 193 audio. On te baise et rebaise et on passe à autre chose. Fatigué de la vie, pourtant à peine la vingtaine. Couleur diabolique dans la vitelle. T'as la vitesse, mais t'as pas la victime. Tout ça en vitesse dans cette vie de chaîne. T'as la vitesse, mais t'as pas la victime. Tout ça en vitesse dans cette vie de chaîne. H la frappe validée par les anciens. La Dalsum, comme Snow, c'est peut-être dans ses onces. La Dalsum, plus de cons, plus de thunes, plus qu'en chien. La Dalsum, hein, hein, la Dalsum, hein, hein, la Dalsum. H la frappe validée par les anciens. Par les anciens. La Dalsum, James Snow, c'est peut-être dans ses onces. Dans ses onces. La Dalsum, plus de cons, plus de thunes, plus qu'en chien. La Dalsum, hein, hein. Cherche liquide comme une femme fontaine. Faut tomber du camion, je veux la stable à vue montaine. On m'a dit allume-le si tu veux qu'il s'éteigne. Aujourd'hui on l'aimait, demain c'est plus qui s'éteint. Dans ma vie y'a pas de thème et si peu de je t'aime. Je veux celle qui me donne pas l'envie de la jeter. Dans ma vie y'a pas de trait, peut-être je le ken. Et lui donne l'envie de se mettre en retrait. Nique, nique sa mère, mais plus de vodka carrette. Dans la boîte Star Wars et la musique s'arrête. Nique sa mère, je veux pas de vodka carrette. Si je te dis que je t'aime, c'est pour mieux te la mettre. Nique sa mère, mais plus de vodka carrette. Dans la boîte Star Wars et la musique s'arrête. Nique sa mère, je veux pas de vodka carrette. Si je te dis que je t'aime, c'est pour mieux te la mettre. De la pure, de la frappe, ça mec. T'as des grosses prods, mais tu trappes ça lèche. H la frappe, t'es X, t'es faut que ça y est. Comme Walter White et toute sa messe. Toi t'es pas fidèle, ne jure pas à la mec. Si t'as un gros pétard, j'allumerai la mèche. Toi t'es pas fidèle, ne jure pas à la mec. Si t'as un gros pétard, j'allumerai la mèche. H la frappe, validée par les anciens. Par les anciens, ma gueule. La Jon Snow s'est fait d'être dans ses onces. La Dalsum. Plus de cons, plus de thunes, plus qu'un chien. Plus qu'un chien. La Dalsum, la Dalsum, H la frappe validée par les anciens, par les anciens. La Dalsum, Jon Snow c'est peut-être dans ses onces, dans ses onces. La Dalsum, plus de cons, plus d'une, plus qu'en chien. La Dalsum, la Dalsum, la Dalsum, la Dalsum, la Dalsum. Ocho, XT Productions, H la frappe.